سوا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله رب العالمين. طيب، قد أخذنا اسم إشارة هذا وذلك. طيب، عندك عبد الكريم، هذا يستعمل لماذا؟ اسم إشارة. اسم إشارة. طيب، اسم مذكر مسكولين. مذكر en arabe, si tu peux, c'est bien. Mudakkar et singulier, c'est... Mudakkar. Mufrad. Mufrad. Mufrad. Et... Lil-Qarib. Lil-Qarib. Mithal, exemple. Hada waladun. Hal hada ismi shara yustamali l'aql ou les ghir aql aydan? Est-ce qu'on peut l'utiliser les aql ou les ghir aql? Ou uniquement pour aql? Pour les deux. Un exemple, ghir aql. أبوتا بورتوني كوفي. هذا رجل. هذا رجل غير عاقل. C'est ça que je veux dire? غير عاقل. هذا رجل. C'est bon? C'est quoi غير عاقل? Qu'est-ce que ça veut dire غير عاقل? Et celui qui n'a pas la raison, comment tu dis en arabe? غير عاقل. غير, c'est à dire quoi? Qui n'a pas la raison. Et رجل. C'est quoi غير عاقل? غير عاقل غير qui n'a pas la raison. طيب عاقل لا la raison. طيب ان شاء الله. C'est quoi le mot avant la raison? غير عاقل غير. غير. نعم. طيب. طيب اسم إشارة للبعيد. C'est quoi le deuxième إشارة qu'on a étudié? ذلك. ذلك. Un exemple. ذلك. ذلك جبل. سي كوا سا عقل او غير عقل؟ غير عقل. كيف سيجي غير عقل؟ ها؟ لا بو ما كيسيون. Je te demandais غير عقل. غير عقل. غير عقل. الله يحفظك يا عبد الحكيم. طاطون. T'entends ce que je dis là? Hein? J'ai pas dit li l'aql, li. J'ai dit ghair aql, ghair. Taïb? Taïb. Ma hada, le ma ici c'est quoi? Non, je te demande ici. Regardez bien les frères, concentrez-vous dans ce que je dis. Taïb, parce que depuis tout à l'heure, Abdel Hakim, je dis ghair aql, il croit que c'est li l'aql. Taïb? ما هذا؟ le ma ici c'est quoi? Allah est vérifié. Ma ici c'est quoi? Je n'ai pas demandé de l'expliquer. Okay. Qui a compris la question? Andeka, c'est quoi ton prénom? Ayman. Ayman, c'est quoi ma ici? C'est ismi istifham. Si je te dis c'est quoi ça? Tu me dis à la base c'est quoi tu viens de dire? Par exemple, si c'était un poste, tu viens de dire c'est un poste. Après, si je dis explique-moi c'est quoi un poste, tu rentres dans les détails. Vous avez compris? Je te dis c'est quoi Al-Maouna, tu me dis Ism Istifham. Taïb, Inch'Allah. Barakallahu fik. Taïb. Le ma ici, on l'utilise pour qui, Wahabi? Les Ghir Aql. Exemple. Tu nous donnes tout. Le frère, il a bien répondu, Wahabi. Il a dit Ma, l'Istifhamia, tu stamel les Ghir Aql. Tout le monde a compris ça là? Ghir aql, Abd al-Hakim? Taïb. Comment? Je dis quoi? Je dois lui ajouter quelque chose. Il sait, je sais pas, mais on va. Ma mliah. C'est quoi ça? L'arabe, c'est quoi? Ma hada, ma hada, hada al-kitab. Très bien, mashallah. Hein? Le frère, il a tout fait. Ma hada, il a fait un signe vers quoi? Vers un daftar, un cahier. Automatiquement. Il a bien utilisé quoi? Le ma. Ma hada. La personne va répondre quoi? Hada daftarun. C'est compris ça, Lerman? Taïb. Et qu'est-ce qu'on utilise si on demande après une personne? C'est qui a répondu là? Hein? C'est pas moi. C'est pour que tout le monde profite. Taïb? Men, un exemple? Tu fais un signe vers sa mère. Taïb, bien. Barakallahu fik. le fait d'avoir fait rentrer Man et Ma, est-ce que ça change le travail de Hada? Non, au niveau de... Pousse le ton. Man et Ma, si ça rentre dans Ismichara, est-ce que ça change son travail? Bah, ça lui enlève son arbre ou rien. Non, là on parle de Ism Nishara. Ah, ouais. Non, il reste comme il est. Taïf, si je dis Man Hada, ou Ma Hada, ou Man Dalika, ou Ma Dalika, le Ism Nishara il est comme il est. Il a kana lil qarib, fa wa lil qarib, il a kana lil ba'id, fa wa lil ba'id. Mais Fumada, tout le monde a compris ça, Inch'Allah? C'est compris ça, Luqman? Si je dis par exemple Ma Hada ou Ma Dalika, ça change pas. Mais le Ism Nishara ici il est devenu quoi? Le deuxième? Ba'id. Taïf, Inch'Allah? Comment on dit un cheval, Luqman? Sahih? Un cheval. J'espère que vous faites le cahier, hein, Inch'Allah. Je vous fais confiance. T'es loin là. T'es dans le lit là. Ouais. Saber, comment on dit un cheval? Hissan. Très bien. Comment on dit un âne? Himar. C'est les deux mots qu'on a vus. Hein. Après, il y avait quoi? Un professeur? Mudarrisun. Un guide? Un chef? Imamun. Très bien. Une pierre? Hajjarun. Comme ça, on dit Hajjarun. Vous apprenez les mots, les frères? T'as appris les mots aujourd'hui? T'as appris? Dans le 3, il y a au moins de temps en temps plus d'une vingtaine de mots. Je vous ai dit les frères, ça c'est du talab al-ilm. Celui qui veut parler l'arabe, il faut du vocabulaire. Sans vocabulaire, tu ne pourras pas parler. Et ça, c'est une règle dans toutes les langues. C'est vrai, c'est pas vrai. Regardez par exemple nos parents qui ne fréquentent pas les français. Ils ne savent pas bien parler français jusqu'à maintenant. Pourtant, certains, ils ont peut-être un demi-siècle en France. C'est vraiment non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vocabulaire. Il va comprendre un dialogue peut-être, la télé. Mais il ne saura pas parler. C'est vrai ce que je dis ou c'est pas vrai? Pourquoi il manque de vocabulaire, de lecture? Hein les frères, faites cet effort là. Moi je vous fais plaisir par rapport à quoi? Je suis prêt à vous faire la dictée, Inch'Allah. Mais faites ce daftar là, un cahier propre. Et ce cahier là il va rester avec vous des années. La leçon 1, tu prends tout le vocabulaire. La leçon 2, tu prends tout le vocabulaire. Et tous les samedis on prend 10 minutes, un quart d'heure. Et on fait une dictée. Et après toi tu corriges. Bref, Inch'Allah, comment on dit une pierre? Non, mais moi je fais attention par rapport à ça. Après, s'il y en a, vous vous mettez. Moi je vous ai dit, vous prenez tout le vocabulaire dur. Voilà. Barakallahu fik. Allah ybarik. Comment on dit une pierre? Hajjarun là. C'est bon ce qu'il dit le frère? Hajjarun. Inch'Allah, dans le 3, tu verras par exemple si je te dis dakhala et dakhala ou adkhala, tu verras que c'est pas le même sens. Si je te dis dakhaltu al-masjid, c'est-à-dire quoi? Je suis rentré dans la mosquée. Mais si je te dis Adkhaltu, c'est moi? C'est faire rentrer. Tout ça à cause de quoi? De la shadda. Dans la langue arabe, le fait d'appuyer, ça peut changer un sens. Si je te dis Adkhaltu al-masjid, c'est moi qui est rentré. Et si je dis Adkhaltu, automatiquement, c'est moi qui vais faire rentrer quelqu'un. Je ne dirais pas Adkhaltu en parlant que c'est moi qui est rentré. Là, Adkhaltu al-walad. Alors toi, tu me dis Hajjara. Là, Hajjaroun. Bidoun tajdid. Barakallahu fi. Comment on dit le sucre? Soukaroun. Et le lait? Labanoun. Ça y est? La bismillah. Tout le monde a compris la leçon 1 et 2? Luqman? Mohamed? C'est bien compris, hein? Saber? Bien? Ça y est, Inch'Allah. On commence, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le dars numéro 3. Taïb. Baytun al-baytu. كتاب الكتاب قلم القلم جمل الجمل. طيب الدرس اليوم سنتكلم في ماذا بارك الله فيكم؟ في النكرة والمعرفة. طيب المعرفة اسم دل على معين, c'est-à-dire quoi? C'est un nom qui signifie une chose bien précise. المعرفة, المعرفة c'est-à-dire quoi? Une chose définie, d'accord. والنكرة c'est l'inverse, ism dalala ghair mu'ayyan. Al-nakira, c'est quoi? C'est quelque chose d'indéfini. C'est une chose qui signifie quoi? Une chose non précise. Exemple, j'ai vu, par exemple, tu dis un homme. D'accord? Ou tu dis, par exemple, un livre. Un homme. Mais si tu dis l'homme, le livre, il y a la particule ici qui l'a rendu quoi? Précis. C'est compris ça? Alors devant nous, on a quoi? Beytoun. Regardez bien, le premier Beytoun, comment c'est qu'il est nakira? Par la présence du tanouin. Vous le voyez ça? Beytoun. Tanouin, ça veut dire, regarde, il y a deux boucles. Hein, regardez bien. Inch'Allah, un instant, Allah. Celui qui ne comprend pas, il m'arrête. Hein? S'il y a quelqu'un qui a une faiblesse. Regardez bien. Pour que tout le monde voie. Voilà. Vous voyez ça? Regarde, tout le monde va voir là. Là, il y a quoi? Beytoun. Regardez, Mohamed. D'accord? Parce que dans les livres, c'est pas bien. Si vous faites attention, regardez, Beytoun. Il y a une dhamma, mais avec un petit morceau encore avec. Vous avez vu là? Non, il y a les deux, mais c'est une forme d'écriture. La dernière fois, quand vous m'avez demandé, c'est ce que je vous ai dit, non? Regardez bien. Et regardez à côté, Al-Beytoun. Est-ce que le dhamma est plus clair ou non? Hein? Vous avez vu? Hein? Ayman, hein, c'est ça? Et à Bilal, Abdel Hakim, vous avez fait attention? Alors le premier, Beytoun, Huna Nakira. Nakira, ça veut dire quoi? Indéfini. Nakiratoun. Na, avec un kaf. Comme Karim. Voilà. Très bien. Taïb? Comme ça, vous l'écrivez. Celui qui veut écrire. Nakira. Vous avez compris ça? Beytoun ici c'est Nakira. Et comment on sait que c'est Nakira? Par la présence du Tanouin. Tout le monde a compris ça Inch'Allah? Concentrez-vous sur ça Inch'Allah. Après là, les mots c'est pas difficile Inch'Allah. On voit à la fin. Taïb? Beytoun c'est quoi? Nakira bi oujou de Tanouin. Par la présence du quoi? Du Tanouin. Tout le monde a compris ça Inch'Allah? Et le Tanouin là c'est quoi? C'est deux dhammas. Et Inch'Allah après plus tard vous allez voir quoi? On peut trouver deux fatha et deux kasra. Tout le monde a compris ça, Inch'Allah? Hein? Nakira, pareil. Hein? Beytoun, regardez là. Ici, il a quoi? Deux dhamma. Plus tard, vous verrez, le mot, il peut être comme ça. Deux fatha ou avec deux kasra. Ce sera toujours quoi? Nakira. Vous avez compris? Mais ça, Inch'Allah, on va l'étudier. Quand est-ce ça prend cette forme-là? Vous avez compris là? Normal. Taïb. À côté, on a quoi? Al-Baytou. Sara Ma'rifa. C'est-à-dire quoi? Il est devenu défini. Quelle est la cause de cela? Al-Alif ou Al-Lam. Regardez, entourez si vous voulez. Alif ou Al-Lam. Al-Baytou. Regardez bien. Le fait que tu as fait rentrer Alif ou Al-Lam, il n'y a qu'une seule dhamma. Tout le monde a compris là? Il ne faut plus que tu dises Al-Baytoun. Ça, c'est une grande faute. Une chose ne peut pas être Nakira et Ma'rifa en même temps. Un arabe ne comprend pas tous les faits. Comment? Un arabophone. Si, il va comprendre. Mais le parler, il est faux. C'est comme si toi, tu dis donne-moi un baguette. Moi, je sais ce que tu veux. Donne-moi. Par exemple, si tu dis à quelqu'un je veux un baguette, on dit une baguette. C'est vrai, mais je sais la chose que vous voulez. Mais le français n'est pas bon. Eh bien, en arabe, c'est pareil. Si je dis par exemple, shtareitu al-bayta. Si vous, par exemple, vous comprenez bien l'arabe, vous allez me dire, mais quelle maison? Pourquoi? Parce que j'ai utilisé le alif wal-lam. J'ai utilisé quoi? La particule qui est quoi? Ici, alif wal-lam. Automatiquement, entre moi et vous, on sait de quelle maison on parle. C'est vrai ou non? Hein? Vous avez compris ça? Moi, je viens vers Mohamed, je lui dis, ishtareitu al-bayta. Mohamed, il comprend bien l'arabe grâce à Allah. Il va me dire, quelle maison? Je dis, la maison, tu connais pas. Il va me dire, si, parce que toi, tu as utilisé Alif Walam. Alors, automatiquement, je suis censé savoir quelle est cette maison. Alors, j'aurais dû dire quoi? Shtareitu Beytan. J'ai acheté une maison. Et là, il va me demander, quelle est cette maison? Vous avez compris ça? C'est pour ça, on va comprendre ce que vous dites, mais la manière de prononcer, elle est fausse. Alors, c'est bien compris? C'est-à-dire, s'il y a la présence de Alif Walam, il n'y a plus de tanouin. C'est bien compris ça? Alors il faudra plus dire Al-Baytoun. C'est compris ça, Wahid? Mohamed? Mohamed? Tout le monde a compris, Inch'Allah? Des calés? Ouais. Comment tu dis défini? Défini, c'est Ma'arifa. Taïb, Inch'Allah? Tout le monde a compris ça, Inch'Allah. Ça, c'est le début. Taïb, et je vous ai dit quoi, Bi'idhnillah? Le fait qu'il soit un Akira, c'est pas forcément toujours la Dhamma. Pourquoi je dis ça? Parce qu'Inch'Allah, on va voir plus tard, on va voir les trois voyelles. La Dhamma, la Fatha et la Kasra. C'est compris? Et avec Alif Walam, ce sera pareil. On dira quoi? Al-Baytu, Al-Bayta et également Al-Bayti. Faudra pas me dire non, mais Abdurrahman, c'est Ma'arifa parce qu'avant c'était une Dhamma. Non. Parce qu'Al-Baytu, il peut avoir une place de COD. Et également, on verra, Inch'Allah, il peut être également Mesro. Qui a une question par rapport à ça, avant qu'on rentre dans la lecture? Bilal, Ayman, Abdelhakim, c'est bien compris, Saber? Hein? Également, le Tanoui, le Nakira, il a un sens de. Il a la prononciation, elle a quoi? Comme si on disait, à la fin, on prononçait un Noun. Tu dis bien, Baytun, Kitabun, Siyaratun, Ila Akhir. Tout le monde a compris ça, Inch'Allah? On va lire alors. Taïb. Vas-y, lis à voix haute, je veux que tout le monde entende. Al-Qalamu Maksurun. Al-Qalamu Maksurun. Al-Qalamu, il est Ma'rifa ou Nakira? Si tu me dis les Ma'rifa, pourquoi? Si il est Nakira, tu me dis pourquoi? Ma'rifa parce qu'il y a Alif Lam. Très bien. Hein, le frère, il a dit Al-Qalamu, c'est Ma'rifa par la présence du Alif Lam. Et Maksurun. Tu suis Saber? Hein? Quand tu as parlé de lui, je n'arrivais pas à suivre. J'essaye de voir qu'est-ce qu'il va vers lui. Taïb, ben, suivez ensemble. Voilà, suis avec lui. Hein, ça, il va suivre avec toi. Hein, suivez avec le Kaya 2. Voilà. Al-Qalamu Maksurun. Abdelhakim, suis dans son livre. Voilà. Mais suis l'exemple. Le frère, il a lu Al-Qalamu Maksurun. Taïb, je lui ai demandé Al-Qalamu, c'est Ma'rifa ou Nakira? Il a dit que c'était Ma'rifa. Et le dalil, c'était quoi? C'était la présence du Alif Walam. Maksurun, Ma'rifa ou Nakira? Ou toujours toi? Nakira. Nakira. Parce qu'il n'y a pas d'Alif Lam, mais il y a Tanwin. C'est pas forcément il n'y a pas d'Alif Lam. Ça, c'est pas une bonne réponse. Tu dis par la présence du Tanwin. Taïb, parce que plus tard, on verra qu'il y a des choses, il n'y a pas Alif Walam, et elles sont Ma'rifa. Comme les prénoms, Zaidoun, c'est Ma'rifa, mais il n'y a pas d'Alif Walam. Taïb, Inch'Allah, tout le monde a compris ça? Alors la réponse c'est quoi ici? Al-Qalamu Ma'rifa bi Ujud Alif Walam. Maksurun Nakira bi Ujud Mada Al-Tanwin. Taïb, Inch'Allah, il ne faut pas dire parce que Maksurun, il n'y a pas d'Alif Walam. Pour l'instant, tu réponds par quoi? Par la présence du Tanwin. Par un, c'est ça qu'on doit répondre. Au suivant, à voix haute. Al-Babu Maftouhoun. Al-Babu Maftouhoun. Al-Bab Ma'rifa ou Nakira? Ma'rifa. Ma'rifa. Kef Arafta, comment t'as su? Parce que y a Alif Lam. Par la présence de Alif Lam. Maftouhoun, Ma'rifa ou Nakira? Nakira. Par la présence du Tanwin. Ahsan. Inch'Allah, tout le monde a compris? Parce qu'après, ce sera quoi? Il faudra appliquer une bonne lecture. C'est-à-dire, s'il y a Alif Lam, on ne prononce plus quoi? Le Tanwin. Hein, là, c'est que de la lecture après, Inch'Allah. A toi, Ayman, à voix haute, pour que tout le monde entende. Al-Waladu Jalisun. Al-Mudarrisu Waqifu. Très bien. Tout le monde a compris cette phrase? Saber, ça a compris la phrase? Debout, voilà. Taïb. Chacun lit un numéro 1. Bilal, la voix haute. Concentrez-vous, les frères. Est-ce qu'il y a quelque chose à écrire? Écrivez-le à la fin. Al-Kitabu Jadid wa al-Qalamu Qadim. Très bien. Si tout le monde a compris la phrase, hein? Hein? Taïb. Ah, bismillah les frères, numéro 2, à voix haute. Al-Himaru Sarirun. Répète, Al-Himaru Sarirun. La Sarirun. Sarirun. Wal-Hisanu Kabirun. Très bien. Wal-Hisanu Kabirun. Très bien. Numéro 3. Al-Kursiyu Maksuru. Al-Kursiyu Maksuru, quoi? Al-Kursiyun Maksuru. Pas Kursiyun, Al-Kursiyu. C'était bien la première fois. Moi, c'est le deuxième mot que je voulais que tu prononces bien. Al-Kursiyu Maksurun. Voilà, maksurun. Très bien, mashallah. Le suivant. Al-mindirun wasikhun. Pas wasikhun, là. Quelle est la faute du frère? Je vais lire comme il a lu, hein. Écoutez, wasikhun. Il a dit al-mindiru wasikhun. T'as prononcé quoi? Le signe. Voilà, wasikhun. Taïb. Au suivant. Al-ma'u baridun. Très bien, al-ma'u baridun. L'eau est froide, hein. Au suivant. Al-kamaru jamalu. Al-kamaru jamalu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Al-kamaru jamalu. Kamal Jamal. Ouais. C'est-à-dire c'est la lune est belle. Elle est belle. C'est-à-dire Jamal, c'est-à-dire belle. Hein? Comment on dit un chameau? Jamal. Hein? Jamal. C'est-à-dire les deux. Hein? Regarde bien devant toi ce qu'il y a. Jamilun. Jamilun. Jamilun. Voilà. C'est pas Jamal. Saïd. Barak Allahu fik. Al baytu qaribun wal masjidu ba'idun. Très bien, inchallah. Suivant. Al hajaru thaqilun. Très bien. J'ai pas besoin de traduire, hein. Tout le monde a compris les mots là? Saber, vous comprenez tout ça là? Bah dites-moi les mots que vous avez pas compris. C'est quelle phrase? La 8? Ouais, le caillou est lourd et là. Voilà, il a dit al hajaru thaqil wal waraqu khafif. La pierre est lourde et la feuille est légère. D'ailleurs, suivant. Al labanu harun. Très bien. Le lait est chaud. Suivant. Al-Qamisou. Très bien. Tout le monde a compris, Inch'Allah. On répète avant de rentrer dans l'exercice. Al-Ism Nakira, Alamatuhu Maya, son signe. Tanouin. Mais Fumada, Wal-Ma'rifa, Alamatuhu Maya, Alif Wal-Lam. Taïb, Ida Dakhalat Alif Wal-Lam fil Kalima. C'est-à-dire, si Alif Wallam rentre dans un mot, est-ce qu'on trouvera quoi à la fin? Un tanwin ou juste une dhamma? Une dhamma. Est-ce qu'on peut dire sa vers al-baytun? Non, al-baytun. Al-baytun, très bien. Est-ce qu'on peut dire baytun? Baytun. Baytun, on peut dire ça? Très bien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Alif Wallam. C'est compris ça? C'est-à-dire, là, je le veux nakira. Taïb, Inch'Allah, c'est bien. Tamarin, iqra waktub ma'adhabt awakhir al-kalimat. Hein? Iqra, c'est-à-dire li. Waktub, c'est-à-dire quoi? Écrit. Ma'adhabt awakhir al-kalimat, c'est-à-dire quoi? Précision. C'est-à-dire quoi? En mettant les voyelles à la fin des mots. Hein? Tout court, ça veut dire quoi? Dhabt. Dhabt attaché, c'est voyeler en quelque sorte. Là, si tu traduis mot par mot. Mais là, le sens de la phrase, c'est de mettre les bonnes voyelles à la fin des mots. Taïb, Inch'Allah? C'est compris ça, Inch'Allah? Alors, si vous avez compris l'exercice, on s'est arrêté où là? À toi, Ayman? Tout le monde écoute, hein? Toi, ça commence comme ça. Hein? Non, il y a un truc avant, je crois. Voilà. Barakallahu fik. Masjidoun. Pourquoi t'as pas dit Masjidou? Nakira. Très bien, mashallah. Taïb, qu'est-ce qu'il y a? C'est rien, c'est les réponses. Le plus important, c'est que vous avez compris quand vous lisez. Taïb, Masjidoun. Le frère, il a bien répondu. Il a dit, j'ai dit Masjidoun. Pourquoi? Lianaou Nakira. C'est un tabou, yakhwa. Taïb. Al-Masjidou. Ma'arifa bi-oujoud. Alif Wallam. Par la présence du Alif Wallam. Al-Ma'ou. Ma'arifa. Taïb. Ma'arifa. Alif Wallam. Suivant. Ma'oun. Ma'oun. Ma'oun. Voilà, pas hun. Un. Ma'oun. Voilà, très bien. Je pense que tout le monde a compris, Inch'Allah. Maintenant, j'écoute juste la lecture. À voix haute, hein. Très bien. Taïb, je dis, j'écoute juste la lecture. Vas-y, au suivant. Très bien, au suivant. À voix haute, les frères. Al-Qalamu. Al-Qalamu, très bien. Al-Kalb. Al-Kalb. T'as mis un sukun. Al-Kalb. Très bien. Et Al-Kalb, très bien, au suivant. Kalboun. Kalboun. Qamisun, très bien. Waladun. Al. Très bien, au suivant. Khimar ou Hi. Voilà, Khimar. Khimar, c'est autre chose, le Khimar. Khimar, c'est ce qu'elle met la femme. Ha, c'est ici. Khimar. Barakallahu fik. Ah, il y a des frères, c'est que de la lecture. Al-Khimar, au suivant. الحصان حصان طيب grand 2 اقرا واكتب c'est le même exercice mais là vous a donné deux mots المكتب مكسور très bien المكتب مكسور c'est-à-dire quoi le bureau est cassé طيب المدرس جديد très bien القميص وسيخ وسيخ القميص وسيخ اللبن بارد اللبن اللبن بارد si tu peux aussi le ton اللبن بارد بارد بارد بارد نعم بارد بارد ما معنى بارد كيسي سيدير quoi بارد لا بارد بارد comme ça mais بارد c'est quoi مكتب البريد c'est la poste c'est pour ça faites attention Mohamed, tu dois te concentrer, tu parles ouais, là, tu parles là. Non, c'est vrai, regarde. Je vais te demander, j'avais pas compris ce que c'est. Mohamed, sois attentif, barakallahu fik. Taïb, non, c'est vrai. Taïb. Al-labanu baridun. Hein? Le froid, baridun. Mais si tu dis par exemple barid, c'est quoi? Maktab al-barid, c'est la poste. Pour ça, parler à voix haute. Taïb, Inch'Allah? Comment? Non, c'est quand tu fais rentrer un ya, barid. Au suivant. المسجد مفتوح. très bien بارك الله فيك. الحجر كبير. اللبن بارد. بارد. يا بارد. voilà. والماء حار. والماء حار. au suivant. الإمام. لا الإمام. الإمام. لا الإمام. الإمام. voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, hein, il faut apprendre les mots par cœur. Parce que regardez là, là il vous donne plus quoi, les teshkil, les voyelles. C'est pour ça les frères, il faut les écrire les mots. Si vous apprenez pas par cœur, vous aurez du mal à, même à la fin du 1 de lire. Ça c'est des mots qu'il faut apprendre par cœur. Taïb, al-imam ou jalisun. والمدرس واقف واقف نعم أبوت القمر بعيد القمر بعيد les frères regardez on a lu deux phrases et vous n'avez pas suivi moi je peux pas être là c'est pour vous que je dis ça profitez de la lecture طيب si vous n'avez pas compris un mot demandez-moi à la fin et inchallah je vous le dis طيب القمر بعيد المنديل نظيف طيب محمد qu'est-ce que vous voulez savoir ouais c'était vous fallait juste lire le truc là tout ça en devinant ce que comment on l'a prononcé sur les trucs sur les points c'est ça t'as dit tu voulais me demander quelque chose c'est ouais, quoi c'était ça en gros là fallait faire que de la lecture sans savoir ce que c'est écrit au-dessus des trucs pour mettre la prononciation mais c'est ce qu'on fait là putain avec ça comment tu veux me demander je vais demander